et tout ce qu'il avait. T'ayant dépouillé, où est-ce il s'en allait, le laissant à Dieu. Fais de même, agis.